de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les intervenants, les invités, vivants ou non de l'émission qui suit, sont nombreux et variés, c'est peu de le dire. Ce fut en 1950, précisément le 19 novembre 1950, que les auditeurs de la chaîne nationale découvrirent ce programme historique. Un retour dans le passé, un autre retour dans le passé, puis un retour au présent. Le 23 mai 1850, que se passe-t-il ? Le futur roi des journalistes se promène, le nez au vent, se mêlant aux grisettes et aux grandes dames, visite les prisons et les salons à la mode, déambule sur le boulevard du crime, s'introduit dans la loge de Rachel et se mêle aux admirateurs de Frédéric Lemaître. Bientôt, il visitera Balzac mourant. Voici pour 1850. Et en 1900. Et en 1950. Eh bien, nous sommes le 19 novembre 1950. L'émission est diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale. Le club d'essai de la radiodiffusion française présente... Trois dates, trois époques. Tableau documentaire incomplet mais ressemblant par Pierre Pérou et Georges Godbert de 1850-1900-1950 avec le concours de Gandhi, Sarah Bernard, Albert Dreyfus, Paulin, Aristide Briand, Fraxon, Édouard Branly, Arletty, Anatole France, Chaliapine, Henri-François Rey, Jacques Peuchemort, Georges Bidault, Gary Davis, Jean Rostand, André Labarthe, Jean Rigaud, Orson Welles, Claude Luther, Jean-Paul Sartre, René Dorin, Juliette Gréco et Luis Mariano. Avec des œuvres de Chopin, Edmond Rostand, Claude Debussy, Paul Claudel, Vincent Scotto, Feydeau, Gustave Charpentier, Raymond Queneau, Moussorgsky, Guy Lafarge, Igor Stravinsky, André Roussin, Jacques Prévert, Joseph Cosma, René Barjavel, Henri-Charles Richard, Jean-Wilfried Garrett. 1850 sera évoqué par un texte original de Claude Accursi et Christiane Favre, avec le concours de Louis Seignier, sociétaire de la Comédie Française, Serge Nadeau, Odette Laure, André Vard, Roger Iglesis, Léo Noël, Suzanne Marchelier, Serge Emmerich, Jean-Paul Moulineau, Lucien Frégis, Armelle Fougère et Claude Dasset. Au piano d'accompagnement, Jean-Armand Petit. Le texte de présentation de Pierre Pérou est dit par Martine Audrin et Bernard Véron. Assistant de production, Marc Harold. Réalisation de Georges Godbert. Pourquoi ces chiffres que l'on dit ronds, sans doute parce qu'ils se terminent par des zéros, pourquoi pas 1842 ou 1921? Pourquoi ces moitiés, ces fins et ces débuts de siècle? Répondons avec M. de la Palice, précisément parce qu'il y a des siècles. Parce que l'homme, mécontent de la manière désordonnée dont il fait l'histoire, veut après coup y introduire un semblant de logique. Il la découpe, cette histoire, en tranches de 100 années, lesquelles doivent vivre de leur vie propre, comme les morceaux du ver de terre que sectionne la pelle bêche. Et l'homme se persuade que le siècle existe réellement. Et il le croit de bonne foi, alors qu'il a créé une simple mesure pour un corps réfractaire à la mensuration. Souvent le siècle ne coïncide pas plus avec lui-même que la couleur sur les illustrations peu soignées ne coïncide avec le trait qui devrait la délimiter. Prenez le 16e à titre d'exemple. Vous pourriez penser qu'il se termine en 1600. Eh bien, vous ne seriez pas dans le vrai. L'historien a décrété que le 16e avait attendu le bon roi Henri pour s'éteindre sous le couteau de Ravaillac. Seulement voilà. Du même coup, on raccourcissait de 10 ans le 17e. Qu'à cela ne tienne, puisqu'il était lésé, il prendrait 15 ans au 18e. Ça lui ferait toujours 50 gagnés. On pourrait continuer indéfiniment, mais tel n'est pas notre dessein. nous voulions tout juste dégager notre responsabilité auprès des auditeurs soucieux d'exactitude. La tradition, avec un grand T, nous autorise à rester en deçà ou à nous risquer au-delà des dates qui figurent au générique. Nous allons largement profiter de cette licence. Siècle 19e, siècle... 19e siècle. Les uns te disent stupide. Les autres lumineux. Pourquoi ne serais-tu pas l'un et l'autre? Sous ton règne, l'intelligence fut reine. Point de lustre, point d'année où elle n'ait remporté quelques victoires. Mais chacune de ces victoires... Chacun de ces progrès... Chaque nouveau pas de la science... Chaque décoration nouvelle sur la poitrine de la raison... Ne sont-ils pas arrivés à t'enivrer? Et à te faire perdre un peu la raison. Non, personne ne veut nier tes mérites. Mais chacun déplore que tu t'en sois montré si fier. Chacun déplore que ses mérites... Ses fort grands mérites... T'es grisé à ce point. Nous n'avons pas dit que tu étais un siècle sans cœur. Tu ne pouvais pas extirper les cœurs des poitrines. Mais reconnais que tu pactisais volontiers avec la matière. Ou si tu préfères, avec l'argent. Tu étais hypocrite aussi. Jouisseur, et cependant assoiffé de respectabilité. Mais oui. Il y a un instant, tu nous opposais Chopin et son tendre génie, mais qu'as-tu infligé à Flaubert? Et à Baudelaire? Ah, tu ne te souviens pas? Madame Bovary. Les fleurs du mal. Deux fameux procès. Deux condamnations. On lit tout de même les condamnés. Tu n'y es pas pour grand-chose. Tu avais tes soucis, mais naturellement, qui n'en a pas? Tu veux qu'on en parle aussi, c'est légitime. L'accusé, le dernier, a toujours la parole. Nous allons laisser le soin à Claude Accursi... Et à Christiane Favre... De parler... En quelque sorte... En ton nom. Nous autres, de 1850, à peine sortis d'une révolution sanglante mais généreuse, nous avons connu avant vous les troubles sociaux et les séances houleuses de l'Assemblée nationale. Nous avons connu l'ivresse des grands horizons avec l'apparition d'une science aux progrès foudroyants et redoutables. Notre jeunesse a remis en question, 100 ans avant la vôtre, tous les principes traditionnels et elle sait parfois, elle aussi, enlisés dans les plaisirs des bals malfamés. Nous aussi, nous avons eu des artistes qui voulaient rompre avec l'académie et les salons officiels, des bandits de plus en plus audacieux, des ouvriers mal payés ou licenciés par des ateliers nationaux qui fermaient leurs portes. Ouvrons les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babels montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Une bourgeoisie inquiète du lendemain, des révolutionnaires qui préconisaient une internationale des Nations Unies pour la paix et le bien-être. Aussi, amis de 1950, les hommes de 1850 peuvent vous parler en connaissance de cause. Et tout d'abord, permettez-moi de vous présenter... Aurélien Loisel, 33 ans, journaliste en chômage. J'étais jusque la semaine passée à la Démocratie Pacifique. J'y exerçais les nobles fonctions de chroniqueur parisien. Mon journal, comme tant d'autres, a été interdit par la censure. Présentement, je m'en vais, grâce à une recommandation de M. Eugène Sue, me présenter à M. Émile de Girardin, directeur du journal La Presse. Il m'a convoqué pour une entrevue ce matin. Pour être sincère avec vous, j'ai mis du temps à me décider. Écrire dans un journal que je ne lisais pas, que je détestais même, ça ne me plaisait guère. C'est un peu répugnant, ce travail. Sauf si on a de l'esprit. Et moi, Aurélien Loisel, je suis parisien et qui plus est chroniqueur. Alors, je vendrai mon esprit à la ligne. Mais pas mes idées, bien entendu, je saurai les défendre, entre les lignes. Oh, attention, tu écrases mes escarpins. Ah, dis donc, bourgeois, tu vas à la noce. Je voudrais bien. Oh, ne poussez donc pas comme ça. Il y a un monde de mi-carême dans cette rue Montmartre ce matin. À la barque, à la côte. À la violette, à la violette. C'est une vraie cohue de marchands ambulants. Ah bah, oh, attention, maintenant, voilà un porteur d'eau. Allô ? Allô ? Oh, maladroit ! Il m'a éclaboussé jusque sur ma cravate à poids. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, 23 mai 1850, ah, je me suis mis sur mon 31. Et mon Dieu, je me présente pas mal avec mon pantalon de cachemire, ma redingote la plus cintrée, mes escarpins les plus pointus, mon chapeau le plus monumental et ma canne à pommeau d'argent. J'ai tout l'air d'un dandy. Je vous débarrasserai de la plus horrible douleur en un instant. M'essayer, c'est m'adopter. J'arrache la première dent gratuitement. La deuxième pour 20 centimes ou 4 sous. La troisième pour 10 centimes ou 2 sous. La quatrième pour... Et à la cinquième, bonne gens, c'est lui qui vous paie. Heureusement pour votre bourse, vous serez mort avant. Taisez-vous, proluquet. La science vous châtira pour avoir mis d'idèle. Craignez la pourriture des gencives, la carie des chicots, l'ulcère puant des mandibules. Ma complète préférée. Oh, heureux présage. Peuple de Russie aussi, du cap de Bonne-Espérance, le mémorable accident d'un crime très conséquent, et la part un temps étrange, pouvant vivre honnêtement, ayant femme et enfant. La presse, édition du matin, la presse, ça sent du bon, nous voici devant la façade du journal. Digne, c'est riche ici. Allez. En avant, mon petit Aurélien, tu vas affronter le Napoléon de la publicité. La salle du rez-de-chaussée est spirituelle en diable. On dirait un champ de manœuvre encombré de grosses dames, d'huissiers porte-verges, de cochers en rupture de maître, de familles éplorées en grand deuil, et enfermées de chaque côté dans de hautes cages en fer comme les macaques du cirque des Champs-Élysées, des bureaucrates, des plumitifs, des piscopies, devenus blafards par ingurgitation de papier mâché, nourriture saine et abondante fournie gratuitement par la direction. Bon, ces cages de fer, ces collègues squelettiques, donnent une haute idée de la liberté et du bonheur dispensés par cette maison. Mais, trêve de plaisanterie, je suis là pour m'instruire. Ouvrons l'oreille et écoutons la clientèle. Vertu, petite chienne, répondant au nom d'Esmeralda. 80 centimes la ligne. Demande camériste, coucher, nourrir, sachant coiffure anglaise, petite couture, lecture poème moderne, cuisson œuf à la coque, piano quatre mains. Dans l'église Saint-Eustache, à 9h15, le lundi 25 mai 1850. De la part de Madame Polyphème Castor, sa veuve. Les clients sont aussi tristes que les employés. Prenons un air funèbre, l'air qui doit plaire dans la maison. On se réunira à la maison. Hé, mon ami. Monsieur Désir. Le bureau de Monsieur Girardin, s'il vous plaît. Monsieur est attendu. Mandé, mon ami. Je suis mandé par votre directeur. Voici sa carte me convoquant. Ah, bon, alors c'est par là, monsieur. Bonjour, monsieur Aurélien Loisel. Asseyez-vous. Êtes-vous sérieux, monsieur? N'en ai-je point l'air, monsieur? Trop. Beaucoup trop. Vous êtes de gauche et vous êtes sérieux. Je n'ai pas besoin de vous à mon journal. Oui, mais le journal La Presse, lui, a besoin de moi. Il n'y a pas de vie, monsieur le directeur, dans votre journal. Pour 3 pages de publicité, 1 de petites annonces, 20 d'informations poussiéreuses. Un putain personnage. J'ai 40 000 lecteurs, le plus gros tirage mondial. Et un feuilleton à l'eau de rose d'Octave Feuillet. Qui sera de l'Académie française, monsieur. Justement, c'est ça qui est terrible. Sortez, monsieur. Tout de suite, monsieur, avec le plus grand plaisir. Je sors avec Balzac, Eugène Sue, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, vos anciens collaborateurs. Et je vous laisse tout seul avec Octave Feuillet et la poudre cocardasse contre les Dartres et les Ritem Fessier, les deux gloires actuelles du journal La Presse. Je sors, monsieur. Restez, monsieur. Asseyez-vous. Je vous engage. Vos conditions sont les miennes. 2 colonnes en première page, dessin de Gavarni. Ah, je ne l'aime pas. Tant mieux. Et aussi de Daumier. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, pas de Daumier. Je le hais, c'est un adversaire politique. Mais c'est pourquoi j'exige Daumier. Ah non, non, non, ce serait trahir mes idées. Vos idées, monsieur, c'est de vous enrichir. Daumier vous enrichira donc, refuser son concours. Voilà la vraie trahison envers votre porte-monnaie. Ah, ah, il a de l'esprit, le bougre. Et celui-là, il est gratuit. Ah, voilà, voilà le ton qu'il me faut. Léger, pétillant, un peu mordant. On vous dosera ça. Mais sans fiel. La malédiction du fiel. Très bien, très bien. Des calembours, mes lecteurs adorent ça. Je veux des chroniques brillantes sur tous les sujets. Rien de ce qui se passe à Paris ne doit vous échapper. J'ouvrirai l'œil. Mais surtout pas d'allusions politiques. Comptez sur moi. Eh bien, mettez-vous aujourd'hui même au travail. Vous avez l'après-midi pour réfléchir. L'après-midi, c'est beaucoup trop, j'ai déjà réfléchi. Programme de la semaine. Je me promènerai partout le nez au vent. Je me mélangerai aux grisettes et aux grandes dames. Je me ferai véhiculer en omnibus et en calèche. Je visiterai les prisons et les salons à la mode. J'interrogerai un directeur de manufacture et un ébéniste du Faubourg Antoine. Je rendrai visite à Monsieur Baudelaire et à Bridi. Je déambulerai sur le boulevard du crime et dans les rues paisibles du Faubourg Saint-Germain. Je m'introduirai dans la loge de Rachel et parmi les admirateurs de Frédéric Lemaître. Je m'amuserai costumé en cacatoès du pays des Tucumans au bal de l'Opéra et je finirai la nuit à la closerie des Lilas où je danserai avec Pochardinette, Marie Laguap et Pampanette, un quadrille déchirant cochin candard, en même temps qu'exhilarant délirant choc de sof. Il est merveilleux, merveilleux. Loiselle, Loiselle, vous êtes le roi des journalistes. Je sais. Non. En avant pour ma première chronique. Laissons faire le hasard, la première aspiration est la bonne. Compagnie des tricycles, rue de Cléry, barrière du Maine. Hola, cocher ! Arrête ! Oh, oh. C'est complet. Pas même une petite place ? Non, monsieur, une mouche elle-même pourrait pas rentrer. Mon tricycle est plein de 24 personnes et 7 enfants du sexe féminin en grande majorité. Mais c'est pas un tricycle, c'est une souricière. Alors je grimpe sur l'impérial. À votre aise, si vous aimez l'escalade, c'est 15 centimes ou 3 sous. Merci. Que monsieur mette ses escarpins sur le taquet, se tienne bien. Sinon, monsieur va glisser dans la boue, ce serait dommage. Oh, attention. Je vais abîmer mon beau pantalon de cachemire. Ah, il pourrait installer un escalier ou au moins une simple échelle. Évidemment, pour la florissante compagnie des tricycles des taquets, c'est toujours assez bon pour des clients à 3 sous. Oh, là le prince de la bamboche. Mon chapeau bas, c'est Rothschild. Il est vraiment Chico Candard. Avec mon saint Frusca de chroniqueur de journal à la mode, j'étale un peu les bougres de l'impérial. Il y a là un éclopé de la cour des miracles. Un commis à l'air bien honnête. Un militaire du 3e grenadier. Et deux ouvriers en blouse bleue, tous gaillards très aimables et fort gays. Commençons ma chronique. Je vais aller parler au coche. Ouais, attention, la place, place. Laissez passer, mon seigneur. Bonjour, cocher. Salut, mon prince. Pas trop fatigué par votre dur travail? Est-ce que j'ai l'air idiot de parler comme ça? Ben non, monsieur. Je me lève à midi, mon coiffeur vient me friser, puis mon nègre me parfume à la bergamote. J'enfile mon linge de soie, je vais chercher mes deux purs anglais à l'hippodrome, et je les mène galoper au bois de Boulogne. Oui, j'en tirerai rien. Costumé en coulissier de la bourse, ça inspire pas confiance. Et dis donc, mon bonhomme, c'est pas une raison parce que je parle de bourse pour essayer de me filouter la mienne, hein? D'ailleurs, tu serais déçu. Il n'y a qu'un louis dedans. Un louis? Oh, bah, c'est la misère. Décidément, la vie fait pas le moine. Costume de travail. Ah, oh, je me disais aussi, pour sentir la pâte de velours de main d'or, faut être du métier. Un confrère? Presque. Journaliste chez Gérard. Ah oui, la liqueur qui fait repousser les cheveux, c'est... l'élixir de longue vie des fartes aux pieds, rue Brezmiche, d'après les recettes de la reine des îles Samoa, un fameux filon, hein. Je vois que vous êtes un lecteur de la presse. Oh, surtout pour la chronique mandaine, déplacement, réception, etc., etc. C'est très utile pour mon métier. Ben, vous n'avez pas d'ennui avec la police? Jamais, elle n'a pu me prendre la main dans le sac. Elle m'appelle Main d'or. Et ça rapporte gros, votre métier? Bon, 300 000 francs de capital produit de mon travail, soit 18 000 francs de revenus, dont 9 000 francs en rente 3% comme tout bon citoyen, et 9 000 francs pour le loyer d'un bel immeuble que j'ai acquis, 5 rue des Martyrs. Oh, merveilleuse sagesse bourgeoise. Sa fille bien dotée épousera un membre du conseil de fabrique de Saint-Sulpice. Ben, je la ferai élever, je la fais élever d'ailleurs au couvent des oiseaux. Je l'aurais juré. Mais vous me plaisez. Monsieur... Aurélien Loisel, pour vous servir. Ah bah, faudra revenir me voir sur l'impérial du thé. Le vendredi, c'est mon jour de repos. J'y reste toute la journée. On fait des connaissances. Ça, jamais de police, hein. Pour ça, on est en sécurité comme dans la forêt vierge des Indiens sauvages. Et puis, ça coûte que 3 sous, hein. Oh, merveilleuse économie. Cet homme finira sur un trône, oui. Oui, je reviendrai vous voir, main d'or, mais pas dans ce ridicule costume. Oh non. J'aurai ma tenue verdâtre, pantalon écossais, burnous algérien, béret montagnard, la blague en sautoir et la bouffarde aux gencives. Touchez-la, l'ami, j'aime les flambards comme vous. Et là, attention à cocher, lâchez pas vos guides, il y a un cabriolet qui débouche. Tant pis, on écrasera le coucou. Touchez-la. Excusez mes insolences tout à l'heure. Je croyais causer à une chupie qui mouchardait pour le parti de l'ordre. Oh, je suis Loisel, ex-rédacteur de la démocratie pacifique. Hein? Mon ancien journal, quand j'avais encore le temps de lire. Si vous avez des questions à me poser, citoyen journaliste, j'y répondrai. Je travaille 14 heures par jour. Et nous 15 heures. Par pluie, vent ou neige. Par tous les temps. Pour 34 sous la journée. 32 sous. Travail pas garanti. Si je vieillis, on me chasse. Et nous, depuis qu'on a fermé les ateliers nationaux, plus de travail. Alors, vive le gouvernement et son assemblée législative. Et une république comme ça, c'était pas la peine de se battre pour elle. Mais c'est plus de la république quand Barbès, Blanqui et Raspa, ils sont en prison. Ah. À moment devant ma casquette, à genoux devant l'ouvrier, à genoux mon âme est coquette, à moment devant l'ouvrier. Place du Palais Royal, on peut hurler, personne ne vous entend. Vive la Révolution! Révolution! Vive prospère. Vive la Spagne. Vive les proscrits. Attaque Cavignac et Bonaparte. Attaque Cavignac. Oh, regarde, citoyen Loisel, hein, la ravissante biche qui attend sous les arcades du théâtre français. Vas-y, citoyen, fringué comme tu l'es, tu vas la pourmoquer. C'est de ton âge. Je vais tenter ma chance. Salut et fraternité, mes amis. Salut et fraternité. Et suis à Bonnegue et à sa vieille cocotte. Oh, oui, elle est ravissante. Un visage rieur avec de grands yeux clairs. Sous une capote fleurie d'aubépine, de longs cheveux noirs qui ondulent comme des serpents, une toilette de jaconasse rose, une écharpe de barège blanc, des souliers de prunelles sombres, son col délicat est entouré de turquoise montée à la japonaise et ses poignets sont chargés de bracelets d'or sertis de pierres noires aux formes d'animaux fabuleux. Il faut que je me presse, elle monte dans une orléanaise place de l'oratoire, barrière de l'étoile, suivant notre destin. En avant pour la barrière de l'étoile. Je suis juste assis en face d'elle. Ah, c'est terrible de se caser à l'intérieur de ces voitures. Une ville comme Paris devrait avoir 3 ou 4 fois plus d'omnibus. On dit que M. Louis Bonaparte a de grands projets pour la fille. Il a de qui tenir. Oh, pardon, mademoiselle, je crois que je fripe les volants de mousseline de votre robe. Mais pas du tout, monsieur. Vous parierez que vous êtes artiste, mademoiselle. Oh, mais vous êtes extraordinaire, monsieur. Et vous ne connaissez pas tous mes talents de société. J'aimerais bien les connaître. On m'appelle la pochardinette à la closerie des Lilas. C'est gentil, n'est-ce pas? Et vous, monsieur, comment vous nomme-t-on? Aurélien. Oh, c'est distingué, ce nom. Comme c'est beau, les inventions modernes. On part de chez soi tout seul, on monte dans un omnibus, on s'assied aux côtés de l'aimable enfant, et au bout de quelques secondes de trajet commun, on sait le petit nom de sa voisine. Monsieur, je ne trouve pas ça convenable. Cette promiscuité est des plus choquantes. Monsieur, méfiez-vous, votre rosette semble vouloir tomber. Sans doute, votre boutonnière est-elle trop large? Non, je ne crois pas, monsieur. C'est plutôt... qu'il y a des moments où votre boutonnière ne peut pas s'empêcher de rire de se voir ainsi fleurie. Pardon. Monsieur Aurélien, je crois que vous voici arrivé. Et comment le savez-vous? Parce que c'est ici que je descends. Ah. Bien, à l'air pur. Fleurissez vos amours. Fleurissez vos amours. Mademoiselle. Non, mais j'ai des louis plein mes poches, c'est inouï. Un cadeau de main d'or, probablement. Deux douzaines d'euros, s'il vous plaît. Oui. Oh. Merci. J'aime vos manières. Vous avez l'allure d'un grand seigneur. Et puis on s'aperçoit que vous êtes encore un enfant, sont terribles et délicieux. Un enfant, c'est flatteur, à 33 ans. Que faites-vous dans la vie, Aurélien? Je me promène. C'est pas un métier. Je regarde et j'écoute. Et ça vous rapporte? Ben, je l'espère. Un peu d'amour, parfois? Beaucoup d'amour, mais une seule fois, aujourd'hui. Comme vous mentez bien. Alors, à la closerie des Lilas ce soir, n'est-ce pas, Aurélien? Mon Dieu, pourquoi pas? À ce soir, ma jolie, puisqu'il faut se quitter. Oui, Aurélien, il le faut. Je vais prendre ma leçon de danse chez Brididi. Il m'attend. Où sommes-nous, ici? Mais nous venons de tourner l'avenue des Champs-Élysées, d'entrer dans l'avenue Fortuné. Avenue Fortuné? La rue où habite Balzac? Le gros moustachu du 14. Il est rentré il y a 8 jours à peine de Pologne, avec un équipage de cosaques et une grande duchesse à ce qu'il paraît. Tous les concierges de la rue en parlent. Pochard Dinette, chérie, c'est le ciel qui m'a conduit sur vos pas. Vous me direz ça ce soir, Aurélien. Je vous quitte. Me voici chez Brididi. N'oubliez pas la closerie. Au revoir, mon chéri. Au revoir. En cœur. Et maintenant, approchons-nous de la nouvelle demeure de Monsieur de Balzac. Belle façade. Moderne. Superbe porte cochère. Qu'est-ce que Monsieur désire? Bonjour, Madame la concierge. Voici ma carte. Aurélien Loisel, chroniqueur du journal La Presse. Je viens présenter à Monsieur de Balzac, retour de voyage, les compliments de Monsieur de Girardin. Si monsieur veut bien attendre, je vais voir. C'est ça, allez voir, dame concierge. Remarquez que je ne me fais aucune illusion, on va me conduire fort poliment. Enfin, j'aurais tout au moins mis un pied chez le grand homme. Tiens, mais c'est ce bon docteur Nacar lui-même, cher docteur. Il y a si longtemps que je ne vous ai vu, depuis que vous m'avez si bien guéri de mon emphysème. Quelles sont les nouvelles? Mauvaises, très mauvaises. Notre grand Balzac se meurt. Est-ce possible? On disait qu'il arrivait d'Ukraine, jeune marié, tout joyeux, tout fier. Il ne vit que par la force de sa volonté. Je l'ai laissé presque exsangue. Monsieur Aurélien Loisel, montez, je vous prie. Et maintenant, le voilà debout sur des jambes qu'il y a un instant ne pouvait pas le soutenir. Il vous appelle, lui qui pouvait à peine parler. Il vous voit, lui qui était presque aveugle. C'est incroyable. Je vous en prie, Loisel, ne restez pas longtemps. Compris, cher docteur, je ne fais que monter et descendre. Merci. Si monsieur veut bien me suivre... Je vole derrière vous, dame concierge, je vole derrière. Ah, vous êtes le bienvenu, monsieur le journaliste de La Presse. Je suis un des vôtres. J'ai écrit dans 50 journaux au moins. Et Lousteau est un de mes personnages favoris. Madame de Balzac, permettez-moi de vous présenter monsieur Loisel. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de troubler votre intimité. Mais non, monsieur, nous adorons recevoir. Je veux du monde, ici, jour et nuit. Malgré ma mauvaise jambe, je n'ai cessé d'avoir réception sur réception depuis 8 jours que nous sommes arrivés, madame de Balzac et moi, de son fabuleux château d'Ukraine. Fabuleux? Vous exagérez un peu, Honoré. Non. Un palais noir et blanc, à la fois grec et poméranien, qui dominait la ville de Jytomyr avec des poêles en faïence multicolore de 5 toises de hauteur et 50 domestiques au nom barbare qui se prosternaient devant nous. C'est inouï. Et très exagéré. Il faut vous dire que je suis maintenant le petit-neveu par alliance de Marie Leczinska, le beau-frère d'un aide-de-camp de Sa Majesté, le tsar de toutes les Russies. Notre mariage a été célébré dans le vieux couvent miraculeux des Carmélites par un prélat délégué par l'évêque de Jytomyr. Vous pouvez écrire tout cela dans votre journal. Je n'y manquerai pas, monsieur. Je me sens très mal tout d'un coup. Ah, de l'air, vite. Soulevez-vous un peu, Honoré, et reposez votre tête. Là. Je me retire, monsieur. Je ne veux pas vous importuner davantage. Oh, restez. Restez, mon ami. Je me sens mieux. Restez. Un sorcier m'a prédit qu'à 50 ans, j'aurais cette maladie abominable. Je m'en tirerai. Et après, il faudra me tuer. J'emploierai toutes mes forces à lutter contre la démocratie. Vous n'êtes pas démocrate, au moins? Si, monsieur. Lui aussi. Oh, comme David d'Angers, comme Lamartine, comme mon grand ami Victor Hugo. Mais ils le sont tous. Savez-vous qu'hier, Hugo m'a dit qu'il préférait être député élu par le peuple plutôt que pair de France choisi par le roi? Je lui donne raison, monsieur de Balzac. Moi pas. Bien que j'admire la démocratie, quand elle parle par la bouche d'Hugo, elle y prend de la noblesse. Ah, regardez. Regardez cet Holben qui est au-dessus de mon lit. Est-il beau, n'est-ce pas? Ah, je l'ai acheté pour ma chère étrangère, pour mon Ève adorée. Honoré, soyez un peu discret. Non. Je veux qu'on sache. Hein, Lousteau, écoutez. Depuis 15 ans, tous mes livres ont été écrits pour elle. Ils lui appartiennent. J'ai fait de suprêmes corrections à la plume. Tu en tiendras compte, n'est-ce pas, mamie, s'il m'arrivait malheur. Toi-même, tu pourrais faire toutes les corrections que tu jugeras nécessaires. J'ai confiance en ton intelligence. Oh, j'ai mal. Qu'on m'appelle Bianchon. Lui, il me sauvera. Il en a tant sauvé. Et alors, mes amis, quelle force je sens en moi. L'Institut m'ouvrira ses portes. J'irai en Chine. Je verrai le grand Mogol. Il me donnera en échange de la bague de Mahomet que je possède. Des sacs d'or. Des tonnes d'or. Mon ami, calme-toi. Je t'en conjure. Tu parles trop, cela t'essouffle. Passez-moi encore des coussins, je vous prie, monsieur. Il a la tête trop basse. Monsieur, je reviendrai vous voir dans quelques jours. Ah, c'est cela. Revenez, ami journaliste. J'ai encore des tas de projets dont j'aimerais vous entretenir. J'exploiterai les mines de Sardaigne. Je cultiverai de l'opium en Corse. Je tirerai des forêts de chêne de la Pologne, tous les bois dont les chemins de fer français ont besoin. Quand je serai usé, alors je ferai du théâtre. Au revoir, mon ami. Je suis bouleversé, madame. Il peut nous quitter d'un moment à l'autre, monsieur. Et il le sait. Il a pressé de questions le docteur Nakar ce matin pour lui demander combien il lui restait encore de jours à vivre. Devant l'hésitation du docteur, il s'est lui-même fixé 8 jours. Le temps, a-t-il dit, d'écrire un roman. Il est admirable. Mamie! Ève! Te rappelles-tu ce que je chantais à Jitomir? Les parents de l'araignée arrive tout en colère. Ils lui disent, petite vipère, te voilà déshonorée. L'araignée de désespoir s'est flanquée 3 coups de rasoir. Je me sens très bien, mamie. Parfaitement bien. Chardinette. J'avais si peur que vous ne veniez pas à la closerie ce soir. Ah, j'ai besoin de gaieté, j'ai besoin de votre sourire, Pochardinette. Ce soir, je me sens triste. Ça ne va pas durer, regardez notre orchestre. Oui, c'est vrai. Il est extraordinaire, cet orchestre. Mais qu'est-ce que c'est, hein? Des sacs d'écu qu'on tape les uns sur les autres, des plaques de tôle, des bruits de chaîne, et pour finir, des hennissements et des vraiment. C'est une idée de Carnot, notre génial directeur. Ici Carnot, propriétaire, chef d'orchestre, restaurateur, quartier, poète et homme de lettres. Salut, journaliste, ami de Pochardinette. Bonjour, directeur. Écoutez, journaliste, mon carillon de Chiron, cochin candard, avec accompagnement de chaînes et bruit de clés sur l'air de je n'aime pas le taricot. Mais c'est vrai que ça va faire du bruit, ça, hein? Aujourd'hui, carillon dansé par Céleste Moriador et Brididi. Oh. Venu spécialement du bal Mabille, le bal de l'année des veuves, à la closerie de Lilas, le seul endroit où l'on s'amuse. Mesdames, messieurs, on fait cercle autour des deux célèbres danseurs. Bridini prend des poses comiques. Il lève le pied à la hauteur du nez de Mogador, la salue ensuite jusqu'à terre, puis l'enlace et il la fait tourbillonner avec grâce. Seconde figure, Mogador s'élance seul, tête baissée, bras en arrière. Elle fait rapidement le tour du cercle, se redresse, cambre les reins, rapproche les coudes, rejette la tête en arrière et revient impassible à son point de départ. Elle est étonnante. Des yeux célestes, Mogador. On dit que c'est un noble qui est fou d'elle et qui veut l'épouser. Mais je sais, je le connais, c'est le comte Lionel de Chabrillan, très vieille famille. Tiens, tiens, un nouveau client. Il a une magnifique figure. Regardez donc cette belle barbe ondulée. Pochard Dinette, je suis jaloux. C'est toi que j'aime, Aurélien, tu le sais bien. Tiens, je te tutoie. Tu vois bien que c'est sérieux. Mais j'ai tout de même le droit de regarder ce grand paysan. Oh, c'est pas un paysan, c'est un peintre réaliste. Oui, mais on m'a présenté à lui au Salon des Refusés. Il s'appelle Gustave Courbet. Un peintre réaliste? Il fait des femmes nues, alors? Non, non, des enterrements. Bon, quelle horreur! Et il dit au bedeau, au maire, au curé de son village, de poser devant une tombe ouverte et il leur fait les trognes qu'ils ont. C'est ça, un tableau réaliste. Quel dommage qu'un si beau garçon ait si mauvais goût. Oh, mais il sait peindre! Tout ce qu'il fait est construit, maçonné, sa pâte est grasse. Monsieur Baudelaire dit qu'il peint avec une truelle. C'est pas distingué pour un peintre. Mais tant mieux, c'est ça la peinture de l'avenir. Oh, je préfère les fleurs et les oiseaux. Mais tout de même, c'est un bien beau garçon. Regarde, il monte sur la table. Il n'a pas peur pour un paysan. Ma parole, il va chanter. Au bruit retentissant de ma grande trompette, du bugle et du sac-corne, venez petits et grands. Peuple, bourgeois, manant, venez prêter l'oreille à mon historiette. Elle contient pour tous de hauts enseignements. Or donc, oyez, oyez, oyez, ce qui veut dire écoutez, écoutez. Avait pris femme, le sieur de Framboisie avait pris femme, le sieur de Framboisie, et tra, et tra, et tra, la, la, la, et tra, et tra, et tra, la, la, la. L'a pris trop jeune, bientôt s'en repentit, l'a pris trop jeune, bientôt s'en repentit, et tra, et tra, et tra, la, la, la, et tra, et tra, et tra, la, la, la. Partit en guerre, pour tuer les ennemis, partit en guerre, pour tuer les ennemis, et tra, et tra, et tra, la, la, la, et tra, et tra, et tra, la, la, la. Revint de guerre, après 7 ans et demi, revint de guerre, après 7 ans et demi, et tra, et tra, et tra, la, la, la, et tra, et tra, et tra, la, la, la. De son domaine, tout le monde était parti, de son domaine, tout le monde était parti, et tra, et tra, et tra, la, la, la, et tra, et tra, et tra, la, la, la. Que va donc faire le sieur de Framboisie? Que va donc faire le sieur de Framboisie? Et tra, et tra, et tra, la, la, la, et tra, et tra, et tra, la, la, la. Cherche sa femme, 3 jours et 4 nuits, cherche sa femme, 3 jours et 4 nuits, et tra, et tra, et tra, la, la, la, et tra, et tra, et tra, la, la, la. trouva madame dans un bal de Paris. Trouva madame dans un bal de Paris. Corble madame, que faites-vous ici? Corble madame, que faites-vous ici? Voyez, je danse avec mes amis. Voyez, je danse avec mes amis. Corble madame, avez-vous un mari? Corble madame, avez-vous un mari? Je suis monsieur, veuve de cinq ou six. Je suis monsieur, veuve de cinq ou six. Corble madame, cette villa va finir. Corble madame, cette villa va finir. Qu'êtes-vous donc pour me parler ainsi? Qui êtes-vous donc pour me parler ainsi? Je suis lui-même, le sieur de Framboisie. Je suis lui-même, le sieur de Framboisie. L'apprend l'emmène au château de Framboisie, l'apprend l'emmène au château de Framboisie. Lui tranche la tête, une balle de son fusil creuse à sa fosse du bout de son parapluie. Moralité. De cette histoire, la morale, la voici. De cette histoire, la morale, la voici. À jeune femme, il faut jeune mari. À jeune femme, il faut jeune mari. Viens prendre un verre d'absinthe avec nous. Si tu veux, mon chéri. Mais je ne suis pas seul, Théodore. Mais je le vois bien, tu es avec notre jolie Pochardinette. Mais approchez donc tous les deux. Dites-donc, Murgère, vous connaissez Aurélien Loisel? De nom seulement, mon cher Bonvin. Moi, je connais très bien Henri Murgère, comme tous ceux qui n'ont jamais vécu d'autre vie que la vie de Bohème. Bonsoir, cher maître de la purée de notre purée. On t'aime bien, mon petit Murgère. Admirez, chers clients, les illustres hôtes de la closerie des Lilas. Auprès de notre gentille Pochardinette, voici le grand poète Théodore de Baville. Le célèbre journaliste Aurélien Loisel. Merci, et notre illustre ami Henri Murgère. Allons, Pochardinette, pour honorer notre bon maître, dis-nous, Musette. Mais oui, Pochardinette, je t'en prie. Fais-nous pleurer. Écoutez. C'en est fait, j'oublie ma brillante vie, je répudie mes nobles amours. Oui, je vous dis adieu pour toujours, diamants et cachemire. À toi, amis, mes seuls amours. Et caresses et sourires, c'en est fait, j'oublie ma brillante vie, et je répudie mes nobles amours. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. C'est merveilleux, formidable. Serre-moi fort, Aurélien, très fort. Thank you. Ce 19e siècle, si décrié, si vanté, va prendre fin. Mais il ne veut pas mourir brusquement, comme on meurt d'accident. Il veut mourir avec douceur. Sur son oreiller. Un mol oreiller de doute. Et c'est la belle époque, ce no man's land entre deux siècles. Loué par les uns. Blâmé par les autres. Âge d'or du travail et de la vertu pour les uns. Âge d'or de l'insouciance et des mœurs faciles pour les autres. La belle époque n'est pas plus simple à saisir que le siècle d'où elle débouche. Elle n'est pas un meilleur modèle. On n'en finit pas de la regarder tant elle a de faces. Ou de facettes, si vous préférez. Brillants équipages, omnibus à chevaux, journal à un sou, pain à quatre sous. Cafcons, éclairage au gaz, valses, hésitations et French cancan. Moustache cirée, huirflet, journée des dragues, nymphe de M. Bougreau, agent de M. de Lépine. M. Loubet, M. Fallière, Édouard VII, l'entente cordiale. M. Delcassé, Guillaume II, le coup de Tanger. Premier avertissement. Avertissement auquel les Français ne font guère attention. Depuis quelques années, ils ont d'autres sujets de discussion à l'intérieur. Paris n'est-il pas le nombril de la planète? Politique intérieure, art indigène pur. Paul Morand, Dixit. Valdec Rousseau a voulu en terminer avec l'interminable affaire. Et il y est parvenu. Albert Dreyfus vous le confirme. Le 20 juillet 1906, c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade, comme compensation des persécutions qu'il avait subies. Pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence. Bon, Dreyfus rendu à la place publique retrouve le calme. Calme tout relatif, du reste. Valdec se retire, Émile Combes le remplace. Le petit père Combes, qui pendant près de 3 ans tient la vedette en France. Et au Vatican. Mais naturellement, il y a d'autres vedettes. Au Parlement, par exemple, où l'on est extrêmement sensible à l'éloquence. Première vedette, Jean Jaurès, député du Tarn. Grand lyrique à la période somptueuse dont la vigueur et la flamme subjuguent jusqu'à ses plus durs adversaires. Ensuite, le représentant du Finistère, comte Albert de Main. Et puis Deschanel, l'un et l'autre académicien. Et puis Barrès, autre académicien qui ne parvient pas à convaincre par la parole autant qu'il convainc par la plume. Et puis Léon Bourgeois, superbe oracle barbu. Enfin, il y a ceux qui montent. Brillant, Aristide, grand musicien de la tribune. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Premier délégué de la France, je viens cette année, comme les précédentes, apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la société des nations. Clémenceau, Georges, libertaire et autoritariste, réaliste et idéaliste, grand amateur d'action, de mots et de bons mots. Poincaré, Raymond, moins brillant, plus froid, plus ordonné aussi que le précédent. Il est monotone, mais si compétent, si lucide, si précis qu'il force l'attention. Caillot, Jules Guedes, Jonard, Marcel Samba, Paul Doumer, Louis Barthou, René Viviani. Et d'autres, beaucoup d'autres. Et Et voici des monstres plus sacrés encore. Les vrais monstres sacrés, ceux qui ne connaissent que des partisans. Mounet Sully dans et dit pourquoi. Êtes-vous de vos foyers, loin du sol paternel, comme un fléau vivant, assez de privilèges de le maudit. Sarah Bernard. Mon sang sur deux pas froids, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois. Je suis ton maître et ta proie, partout c'est la fin du jour. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour. Nous ferons toucher leurs fesses, les voyages sont aisés. Nous donnerons à ces bêtes une avoine de baisers. Ni monstre, ni sacré. Voici les rois démocratiques du Kafkons. Tous les milieux les adoptent. Les femmes en cheveux. Les gars en casquette à carreaux. Les dames en robe du soir. Les messieurs en frac. Se prestent à l'Eldorado, à Bataclan. À l'Alhambra, aux Folies Marigny. Les uns et les autres applaudissent la diseuse à voix, la gommeuse, la marcheuse. Le chanteur mondain, le tourlourou. C'est ainsi que Paulin apparaît le plus souvent. Pantalon et képi en accordéon. Regard tout à la fois malin et innocent. Il contemple et triture inlassablement son grand mouchoir multicolore. Et il chante... Mon capitaine me dit, je vais te faire un grand honneur. Dans mon nouveau biplan, je t'emmène pour battre leur fort de la hauteur. Je me dis, ce truc-là, ça ne m'amuse guère. J'aimerais mieux aller dans le métro. L'ici qui me fait, ça va te distraire. Et il m'installe dans son oiseau. Tout de suite, là, le machin qui se dépine, on monte à 1000 mètres brusquement. Chef me dit, voyant ma bobine, on va au nord-est en ce moment. Moi, je pensais à ma pauvre mère, je dis, ça monte trop, j'ai de l'inquiétude. Son nord-est, ça ne me rassure guère, moi que je voyage que dans le nord-sud. Il y a aussi Paulus et Dranem et Fraxon. Lequel, en bon disciple du célèbre monsieur Lotti, n'oublie pas que la marine française traverse toute mer. Aborde à toutes les terres. Et en rapporte souvent le parfum. Petit négro, pour gagner les Monaco, se mit à faire la boxe anglaise. Souvent victorieux, dans les combats très sérieux, il gagna bientôt de la braise. Devant ton ardeur, la petite marchande de fleurs finit par donner son cœur. Mariage se fit dans le pays du mari. Et le soir de la noce, il lui dit, à la Martinique, Martinique, Martinique, c'est ça qui est chic, c'est ça qui est chic. Je vais acheter car je suis connaisseur du terrain pour devenir planteur. Il y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Elle répondit dans un soupir, je vois déjà que tu feras sûrement un planteur épatant. Vedette féminine du Kafkons et vedette du demi-monde ne sont pas toujours sans rapport. Comme le demi-monde essentiellement féminin n'est pas sans rapport avec le monde. Le gratin, si vous aimez mieux. Sous sa forme masculine. Les panneaux de bois sombre et le cuivre torsadé de chez Maxim's voient chaque soir les messieurs les mieux vêtus de Paris danser avec les plus belles personnes. Qui ne sont pas leurs femmes. Et que ne recevraient pas leurs femmes. C'est pourquoi Liane de Pougy, Coco Marmier, Emilienne d'Alençon, Caroline Otero dansent chez Maxim's. Sous l'œil autoritaire de Hugo, le premier maître d'hôtel. Des valses doux. Douce. Et sucré, sucré, sucré. C'est le firmament. Peu de femmes y atteignent. Il y faut des charmes peu communs et de l'allure. Et pas mal d'intelligence et beaucoup d'ambition. Un protecteur n'enfile pas à la légère un rang d'émeraude. Il ne commande pas pour n'importe qui un landaulet électrique ou une voiturette de Dion. Un protecteur ne fait pas la moitié du chemin pour aller chercher celle qui s'arrête en route. Celle-ci, par exemple. Eh ben, elle est partie. Oh, à l'autre, à présent. Dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais marié, toi? En v'là un petit vicieux. Oui, oui, ben, je suis pas ici pour écouter vos appréciations. Il s'agit de filer et un peu vite. Ah, c'est pas pour dire que t'étais plus amoureux hier soir. Oui, je suis comme ça le matin. Allez, dépêchez-vous. Oh, tu peux me dire tu. Vous êtes bien bonne, dépêchez-vous. Mais dis-moi donc tu, je te dis tu. T'as l'air d'être mon domestique. Oui, eh bien, dépêche-toi, là, crénom d'un chien. Et file. Eh, file, vois-tu ça? Oh, mais tu m'as pas regardé, mon petit père. Je suis habitué à ce qu'on ait des égards avec les femmes. Ah, bon, bah c'est bien, on va t'en donner. Combien? Quoi? Eh ben oui, quoi, y a pas à mâcher les mots, ça perd du temps. Tu es une femme d'argent, je te dois une indemnité pour ton dérangement. Alors combien? Ouais, t'es un peu mufle, tu sais. T'as une façon. Si j'avais seulement pour deux sous d'idéal... Oui, mais comme tu n'en as pas... Je ne me vends pas, moi, tu sauras. Ah non, bon, eh ben alors, ça va bien, je te remercie bien, et à une autre fois, hein. J'accepte un petit cadeau, ce qui n'est pas la même chose. Ah, tu acceptes? Ah ben merci. Qu'est-ce que doit penser monsieur? Oh, moi, tu sais, hein, je suis bronzé. Enfin, il s'agit de ma tranquillité, je ne lui regarderai pas. Voyons, voilà 40 francs. 40 francs? Oh! C'est pour la bonne? Hein? Mais je ne sais pas, moi, c'est pour les deux. Tu rigoles? Quoi? Ça ne te suffit pas? Eh ben, ouais. C'est ce que je prends, moi, une visite, 40 francs. Ah oui, mais Dieu merci, je ne suis pas médecin. Non, mais pour qui que c'est que tu me prends? Pour qui c'est que tu me prends? Oh, non. Qui c'est qui t'a pris le français? Quoi? Qu'est-ce que t'as l'air de chiner, toi, et bidon? Tu sauras que si je veux, je parle aussi bien français que toi. C'est en vain qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense dans l'art des vers atteindre la hauteur. Si le ciel en naissant ne l'a créé poète, mon histoire, messieurs les juges, sera brève. Du classique. Il est vrai que cela, c'est de tous les temps. 1900 érige en institution une autre pratique. Le ménage à trois. Avec le lit garni de fraises écrasées, le ménage à trois occupe le théâtre du boulevard. Sur scène, il fait vivre le vaudeville. À la ville, il est très bien porté. Le divorce est durement réprouvé, l'adultère, beaucoup moins. C'est un petit jeu charmant de chipper savamment ce qu'une autre désire, avec le sourire et sans qu'elle ose rien dire. C'est un délicieux moment et mon cœur follement se met à battre plus vite, tellement ça m'excite, c'est un petit jeu charmant. Bien que j'aime pas faire de crasse, le bonheur des autres m'agace. Je peux pas voir deux amoureux qui s'adorent et qui sont heureux. Si devant moi ils s'embrassent, une envie folle me passe. Et je n'ai plus qu'un souci, c'est que le mari m'embrasse aussi. Vous devez penser, c'est une manie. Non, toutes sont comme moi, seulement moi, je le dis. C'est un petit jeu charmant de prendre comme amant un mari qui n'est pas le vôtre. Le bonheur des autres, je m'y plonge et je m'y vautre. Oui, c'est un raffinement, ça donne du piment qui fait que l'adultère est moins terre à terre. C'est un petit jeu charmant. Pourtant, on n'est pas toujours si futile qu'il pourrait y paraître. Madame n'a pas encore de métier, mais elle sait parfaitement gérer ce dont elle a la charge. Et monsieur, comme l'on sait, a peut-être le cœur à gauche, mais sûrement le portefeuille à droite. Encore faut-il qu'il possède un portefeuille. Ceux qui n'en ont pas commencent à se manifester. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, engage les catholiques à prendre en considération les questions sociales. Il montre l'importance du devoir social. Les œuvres d'assistance se multiplient, des cercles populaires sont fondés. Mais le monde du travail est réticent. Il aimerait mieux une législation plus abondante, plus rapide, plus précise. Il préférerait surtout qu'elle fût régulièrement appliquée. À part cela, il ne se plaint pas trop. La vie n'est pas chère du tout. Et il y a tant de choses qui lui font plaisir. On lui offre à chaque instant une exposition universelle. Une fois déjà, on lui avait permis de garder la tour Eiffel. Cette fois-ci, il aura deux minarets. Provisoire, il est vrai. Oui, deux minarets. Hein, c'est que le style mauresque est très prisé. On adore tout ce qui se gondole. Les façades s'en donnent à cœur joie. Elles bombent le torse. Elles l'ornent de décorations tarabiscotées. De molles sculptures les soutiennent. L'architecture a horreur de la ligne droite. La forêt envahit la ville. Heureusement qu'il s'agit d'une végétation mineure. La glycine s'enroule aux fenêtres, les soutient. Mais c'est l'iris qui triomphe, l'iris qui n'oublie aucune salle de bain. Sans doute parce qu'il aime l'eau. L'iris qui jaillit en d'étranges contorsions des bouches de métro. Le métropolitain, monstre serpenteur plus ou moins contractile. Le métropolitain n'était encore qu'un petit monstre. On brûlait de le voir, de l'emprunter. On rédigeait, on signait pétition sur pétition pour l'avoir. Le métropolitain n'était pas encore le métro. Le métro, qui devint au demi-siècle ce que le Minotaure fut à l'Antiquité. Le plus grand mangeur d'hommes en labyrinthe. En ce temps-là, il y eut d'autres inventions auxquelles on crut moins. Le cinéma qu'on regardait vraiment de très haut. La télégraphie sans fil, dont on ne pensait pas qu'elle servirait. Eh bien, à cela. Oui, Monsieur Branly lui-même s'en doutait-il. La paix se gagne comme la guerre, et ça se l'arme et le travail. En détourner un peuple, c'est le désarmer et préparer sa servitude. Le lui faire aimer, au contraire, c'est le rendre fort et maître de ses destinées. Vous voyez, on n'était pas obsédé par la TSF. Pourtant, n'allez pas croire à l'indifférence des pouvoirs publics envers toutes les nouveautés. Il est vrai que cela, c'était le domaine des inventions. Mais combien de gens se souciaient des découvertes? De la théorie des quanta de Planck. De la découverte du photon par Einstein. Des théories de Sigmund Freud. Combien? Peu, à coup sûr. Bien peu en regard de ceux qui se passionnaient pour Monsieur Paul Bourget. Monsieur Bourget, que la psychologie conduisait au roman et que le roman amenait à la mondanité. Mais encore, Monsieur Bourget n'était-il pas le dieu? Du moins pas le dieu numéro un. Celui-ci avait nom Anatole France. Ambassadeur de la littérature française dans le monde entier, tenu par tous pour l'écrivain le plus parfait, le plus irréprochablement génial que la France ait jamais eu, Anatole France dominait la scène. Cet enfant ne sait ce qu'il dit. Il y a bien quelques sens dans ses propos. Mais pour en revenir à votre Jeanne d'Arc, il me tarde d'applaudir à son triomphe. Votre amitié vous abuse. On n'aimera point mon livre. On n'y trouvera point ce qu'on y cherchera. On sera déçu. J'aurais dû, par exemple, insister sur les épreuves auxquelles on a soumis mon héroïne. Il vous paraît certain, maître, qu'elle a gardé sa pureté? Vraiment, mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La personnalité d'Anatole France dominait la scène, mais celle de Marcel Proust n'inspirait guère que des sourires plus ou moins narquois. Mais Paul Claudel s'ingéniait vainement, avec tête d'or, à forcer l'admiration des élites parisiennes. Nous nous sommes rencontrés, tous deux rois. Toi vêtu de sang, moi disloqué, allongé sur le poteau. Ivre, aveugle comme la pauvre chenille, tu m'as délivré. Et moi, je ne permettrai pas que tu meures désespéré. Non, ne crois pas que tu le puisses. Elle ne t'abandonnera pas, celle que tu as délivrée de ta bouche, dans le milieu de ses mains sanglantes. Voilà que tu as délivré celle qui est plus forte que toi. Non, femme, tu ne peux prendre cette vie-ci dans tes cheveux. Vie. Sois reine, je te lègue tout. L'homme humain ressaisit sa femelle au sein. Mais pour moi, je ne veux pas de toi, que je meure solitaire. De nouveau, comme une flamme roule dans ma poitrine le grand désir. J'espère, j'assure avec tes ongles de femme. Elle emplit de nouveau son harnais de fer. Ô soleil, toi mon seul amour. Ô gouffre et feu, ô abîme, ô sang, ô porte, or, absorbe-moi, colère. Tête d'or, pensez à moi. Ô père, viens, Oh, sourire, étends-toi sur moi. Qui racontera que, mourant les bras écartés, j'ai tenu le soleil sur ma poitrine comme une roue? Oh, prince vêtu de gloire, poitrine contre poitrine, tu te mêles à mon sang terrestre. Oh, lion, tu me couvres. Oh, aigle, tu m'en sers. Il est mort. Le public ne mordait guère à cela. Il était tout entier absorbé par son admiration sans réserve ni limite pour M. Edmond Rostand. Cyrano et sa fantaisie poétique, Chantecler et ses beaux rôles que tenaient Lucien Guitry, Simone, Galipeau. Et entre-temps, l'aiglon qui avait fait de Rostand une manière de poète national. Régnez, c'est dans ton vent dont le parfum de gloire commence à me rapatrier. Au moment de partir, je devais venir voir, Wagram, le coup de l'étrier. Régner, qu'on va pouvoir servir de grandes choses et se dévouer à présent, reconstruire, apaiser, faire de belles choses. Ah, Prokesh, que c'est amusant! Prokesh, tous ces vieux rois dont les âmes sont sourdes, ah, comme ils doivent s'ennuyer. J'ai les larmes aux yeux. Je me sens les mains lourdes des grâces que je vais signer. Peuple qui de ton sang écrivit la légende, voici le fils de l'empereur. Oh, toute cette gloire, il faut te la rendre en bonheur. Peuple... La première avait eu lieu le jeudi 15 mars 1900. Et voici, selon le fils d'Edmond Rostand, comment les choses se passèrent. La première représentation de l'aiglon eut lieu le 15 mars 1900. Ah, cette première de l'aiglon, quel souvenir j'en garde, car j'y devais assister en personne, alors qu'on ne m'avait pas permis celle de Cyrano. C'est qu'un petit garçon de 7 ans est presque un homme. C'est une salle du théâtre Sarah Bernard, à peine différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'était ma première. Dans la loge auprès de la nôtre, je vois encore, enveloppé d'un foulard blanc, Sardou et son curieux visage de Gavroche vieillard. La salle était pleine d'espérance, mais aussi d'hostilité. Je revois Jean Lorrain, les yeux exorbités, la peau tachée comme une galantine, les mains costumées de bar. Et l'aiglon fut un triomphe. Pourquoi faut-il tout de même que j'en conserve après tant d'années un éblouissement un peu mélancolique? Acclamations innombrables, bouquet de violettes, rappel sans fin, je retrouve tout cela dans ma mémoire enfantine. Car le plus vivant souvenir est un souvenir triste, dans un cœur d'enfant où déjà les souvenirs de tristesse avaient décidé d'être les plus forts. En effet, je revois à un entr'acte mon père très pâle venir nous parler dans cette loge de face où je suis avec ma mère. Je revois ma mère s'alarmer de cette pâleur. Mon père ne devait-il pas tomber malade, quelques semaines après, de la maladie qui mit si longtemps sa vie en danger? Et ainsi, cette célèbre première dont la date flotte aux lèvres de la renommée, elle est avant tout pour moi un être que l'on aime, pâle, contre le portant d'une loge. Et quand 50 ans après je m'en souviens encore, je ne puis revoir cette représentation unique, bien qu'elle fût suivie de tant d'autres, qu'à travers un brouillard de larmes. Général, première. Première, général. Il y en eut beaucoup à la belle époque et d'importance. Le 2 février 1900, à l'Opéra Comique. Thank you. Louise, de Gustave Charpentier. Le 30 avril 1902. Pelléas et Mélisande. Texte de Maurice Maeterlinck. Musique de Claude Debussy. André Messager au pupitre. Beaucoup de gens rient et se moquent. Il faudra qu'un peu de temps passe encore pour que le public comprenne. Ce soir d'avril, il ne sait pas qu'il y aura quelque chose de changé au royaume de la musique. Le snobisme de la pesanteur ne sera plus roi. Du reste, ce public, que sait-il au juste? On s'achemine vers un art entièrement nouveau, qui sera à la peinture, telle qu'on l'avait envisagée jusqu'ici, ce que la musique est à la littérature. C'est Guillaume Apollinaire qui lui dit cela. Mais il n'en croit rien. Il donne ses suffrages à Guillemet, à Gervais, à Félix Yem, à De Taille, à Paul Chabas, à Rochegrosse. Il ignore Matisse, Rouault, Vlaminck, Segonzac, Marquet, Dufy. Le journal des artistes, il faut le dire, est là pour le guider, ce public. La cauchemardante vision de ces atrocités à l'huile dépasse la mesure des fumisteries légalement permises. Après cela, il n'essaye même plus de comprendre. À quoi bon? Mais a-t-il jamais essayé de comprendre? Eh bien oui, tout de même, il a essayé. Et il a compris. Il a compris en 1906 au Salon d'automne. Serge de Diaghilev faisait une exposition d'art russe. Il a compris en 1907. Serge de Diaghilev donnait 5 grands concerts russes. Il a compris en 1908. Serge de Diaghilev montait au Châtelet l'opéra de Moussorgski, Boris Godounov. Chaliapine le chantait. Напрасно мне кудесники судят, ни долгие, ни власти, безмятежной. Не жить, не пасть, не славы обольщения, ни греки, но воды. Était-ce grâce au prestigieux, au génial Chaliapine que le vieux Châtelet fut secoué par les applaudissements? Sans doute. Mais d'où venait cet engouement général pour tout ce qui touchait à la Russie? Certes, à Paris, on connaissait le tsar et la tsarine. Monsieur Loubet les y avait reçus le 18 septembre 1901. Mais comment cette musique violente, aux couleurs vives, aux parfums lourds, ne passait-elle pas pour une musique de sauvage? Une visite officielle ne suffit pas à l'expliquer. Et elle ne permet guère mieux de comprendre le succès, l'immense succès des ballets russes. À moins qu'il ne s'explique par ses noms, Pavlova, Nijinsky, Ida Rubinstein, Karsavina. Personnage que le français d'alors. Il s'esclave devant Claude Debussy, Matisse, il se pâme devant Igor Stravinsky. Chauvin, xénophobe souvent, il est curieux avant tout d'œuvres étrangères. Qu'il assimile très vite lorsqu'elles lui conviennent. Sans doute est-il méfiant. Il n'est pas fermé. Il est pour le brillant, pour l'éclat intellectuel. Il est pour la stabilité, pour la solidité matérielle. Après tout, c'est peut-être cela que l'on appelle l'équilibre. C'est peut-être cela qui lui sera bientôt le plus nécessaire, le plus indispensable. Juste ce qu'il faut pour élever de nouveaux guerriers. Deux guerres ont labouré le monde. Hiroshima, 15 août 1945. Hier, à l'aube, des avions de bombardement... Condamnés à mort. Nous sommes tous condamnés à mort. C'était le travail à la mine ou au tunnel, avec des pendus accrochés à l'entrée. C'était les gars qui s'occupaient du crématoire et qui charriaient sur des wagonnets des corps nus, des corps incroyablement enchevêtrés. C'était les exercices sur la place d'appel pendant une heure, à se traîner dans la boue sans avoir le droit de relever seulement la tête parce qu'au bout il y avait 50 coups de cravache. C'était l'indifférence à la mort, la peur immense, et tout cet enfer rationnel, organisé, efficace comme une machine absurde. C'était la cité concentrationnaire. Pauvre monde. Chaos apocalyptique. L'homme ne pense pas le chaos. Il s'y débat, il tente d'y vivre ou d'y survivre. Certains prêchent la sagesse, la paix. Le Mahatma Gandhi, jusqu'au jour de janvier 1948, où il meurt assassiné, prêche la non-violence. Vérité, tolérance, tels sont les mots qui servent de leitmotiv à ses propos et à sa vie. Chaque matin, il répète « Je vaincrai l'erreur par la vérité. Je ne me soumettrai pas à l'injustice d'où qu'elle vienne. » Et le voici sur la grande place de Delhi. Il engage ses semblables à se dominer eux-mêmes. Sinon, comment pourrait-il prétendre à organiser le monde ? का खर्च कर लेते हैं मिल गया है Le monde, depuis l'armistice, cherche opiniâtrement à s'organiser. À la défunte Société des Nations succède l'Organisation des Nations Unies. La longue souffrance du monde, la patiente attente des peuples, l'anxiété des faibles, l'immense espérance des hommes simples au cœur droit, se tournent aujourd'hui vers nous pour nous demander d'écarter à jamais les mauvais présages dont sont point avares les prophètes de malheur, et pour fonder dans l'entente mutuelle, au service de la justice et de la liberté, un monde délivré de ce fléau qui, au rebours des autres, devient plus redoutable selon la longueur des temps. J'ai nommé la guerre. Nous avons tous souffert en la livrant pour la bannir. Mais un jeune Américain, Gary Davis, juge insuffisants les efforts accomplis par les diplomates de tout pays. Au cours d'une session de l'ONU, il s'installe sur les marches du palais de Chaillot, déchire ses papiers d'identité et engage les citoyens français à devenir comme lui, citoyens du monde. Les hommes d'État de chaque pays se sont déclarés favorables à la constitution d'un organisme international, doué d'assez de pouvoir pour rendre les guerres impossibles. Les peuples de chaque pays se demandent avec inquiétude pourquoi ces hommes d'État s'obstinent à pratiquer les jeux solennels et interminables de la diplomatie entre les puissances. S'il est bien vrai qu'ils veulent la paix et s'ils aspirent vraiment à la constitution d'un gouvernement mondial, je crois que la réponse à cette question fondamentale dépend des peuples eux-mêmes. Étrange époque en vérité que celle où l'on voit germer tout ce que la précédente avait semé. Mais à quoi on ne croyait guère? 50 ans plus tôt, certes, le savant était respecté. Mais tenu presque toujours pour un maniaque assez inoffensif. Qui aurait dit que ces physiciens, ces chimistes poussiéreux dans leur triste laboratoire modifieraient notre vie dans ses détails les plus pratiques? Oui, qui aurait cru qu'en 1950... il suffirait de mettre un peu de charbon dans une machine pour voir sortir à l'autre bout des bas, des ceintures, des soutiens-gorge, des parachutes. C'est l'homme de 1900 qui aurait bien ri ici. Et pourtant, on fabrique chaque jour avec du pétrole, beurre, sucre et même parfum. Pourtant, le noir mazout devient du lait blanc. Et si on le désire, l'anthracite se mue en bouquet de fleurs synthétiques. Bien sûr, les généticiens ne sont pas encore en mesure de vous livrer le rejeton de votre choix. Madame n'a pas encore le catalogue de la dernière saison d'après lequel elle pourra commander une petite fille à la mode. Sans mentir à l'aîné cette fois. Non, mais il n'y en a pas pour très longtemps. Jean Rostand, sur ce point, est toujours prêt à nous rassurer. On verra peut-être apparaître quelques grenouilles, quelques crapauds obtenus par parthénogenèse artificielle, mais la biologie est un vaste champ d'études et j'ai bien d'autres sujets à traiter que celui de la reproduction sans père. Hein, la prolongation de la vie, la détermination du sexe, les transformations de sexe obtenues par les hormones, la création d'individus supérieurs, la création de races nouvelles, les modifications apportées à l'hérédité par les agents externes, etc. Mais la grande révolution de l'époque, c'est à coup sûr... la révolution atomique. Becquerel, Curie, Planck, Bohr, Rutherford, Louis de Broglie, Joliot, Hahn, Fermi... Einstein, Albert Einstein, l'un des plus extraordinaires génies de tous les temps. E égale MC2. Cette petite formule contient toute... vous entendez bien. Toute la physique moderne. La bombe d'Hiroshima et celles beaucoup plus puissantes qui lui ont succédé. Elle contient surtout, cette formule, ce qui sera la civilisation atomique. E égale MC2. Cela signifie que la matière est de l'énergie. Mais de l'énergie en quelque sorte... congelé. Cela signifie aussi que l'énergie, c'est de la matière qui s'évanouit. Par exemple, s'il était en votre pouvoir de dématérialiser le bouton de votre poste, vous en retireriez quelques milliards de kilowattheures. De quoi supprimer pour longtemps toutes vos coupures de courant. Mais l'homme voudra-t-il demain se servir de l'énergie atomique pour animer ses machines, ses robots? Pourra-t-il animer la vie ou devra-t-il semer la mort? Thank you. certains admirent sans restriction cette ère nouvelle. D'autres ressentent pour elle presque de la haine. Je ne connais pas dans ce demi-siècle une seule invention valable pour le bien de l'humanité. Car chaque découverte bienfaisante semble engendrer une invention destructrice. Je déteste les savants. C'est Lise de Harme qui parle ainsi. Et l'on suppose qu'elle fait une exception pour Sir Alexander Fleming et sa pénicilline. André Labarthe, lui, adore et admire ces mêmes savants. Et ça, écoutez, pour vous dire mon opinion franchement, je suis sûr que tous les savants ont aujourd'hui dans l'univers la parfaite conscience de leurs responsabilités et la parfaite conscience de la valeur de la science et des conséquences que peuvent avoir leurs découvertes. Le drame, c'est que les hommes ne l'ont pas toujours. Voilà. C'est pas le savant qui est incriminé. C'est la politique, c'est la sociologie, c'est l'économie, ce sont les hommes, ce sont les égoïsmes humains. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont des pygmées qui ont entre les mains des armes de géants. Si ces armes deviennent des armes pacifiques, bravo, l'humanité sera meilleure. Mais si ces armes deviennent la possibilité de créer des engins de guerre, eh bien ces engins de guerre auront une telle puissance que des destructions épouvantables viendront en temps de guerre. André Labarthe admire, Lise de Harme s'indigne. Jean Rigaud s'amuse. Car il y a toujours en France des chansonniers. Des chansonniers qui font de moins en moins de chansons. Moi je vois la déclaration de guerre dans l'époque future à peu près de la façon suivante. Il y a un gars très bien, monsieur omnipotent, type d'une nation sérieuse, qui peut faire tuer 20 millions d'hommes. Bon, une bonne nation, pas une petite nation de 4 sous qui peut en faire tuer 100 000. Non, ça c'est une rigolade, ça ne compte pas. Mais vraiment, le gars solide. Tu peux en foutre 1 million dans une journée, ça y est égal. Il se réveille un matin et dit « Ah histoire de m'amuser, je vais prendre 600 000 km². Il prend le téléphone et dit « Passez-moi tel pays. Dites-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez 600 000 km² à votre aise, ce qui me plairait beaucoup, oui. Je voudrais. Vous ne voulez pas, bien sûr. Ah, écoutez, j'ai 17 tonnes de bombes atomiques. Vous avez 17 tonnes de bombes atomiques, c'est tout Et vous en avez 22. Alors j'ai rien dit, on déjeune vendredi ensemble. Au revoir. Les chansonniers et les meilleurs font de moins en moins de chansons. Mais il y a toujours en France des chansons qui ne sont pas faites par les chansonniers. On les aime beaucoup, ces chansons, autant qu'avant. Il arrive même qu'on leur donne un prix, un grand prix, à Deauville. La scène est aventureuse de Châtillon à Mérite et son humeur voyageuse plane à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy pour aborder l'amoureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle roucoule, coule, coule dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule autour de... Le théâtre aussi, on l'aime encore. On donne toujours l'Aiglon. Mais sans Sarah Bernard. Et à Sarah Bernard. À l'Opéra Comique, on donne plus que jamais Péléas et Mélisande. La salle est maintenant recueillie, fervente. Et même on compose encore pour l'opéra. Darius Milhaud, sur un texte du poète Jules Supervielle, Bolivar, écrit une partition qui provoque des réactions contradictoires. La musique symphonique, elle non plus, n'est pas morte. Turan Galila, d'Olivier Messiaen, marque l'an 50. Thank you. la pièce boulevardière demeure très florissante. Monsieur Roussin occupe plusieurs théâtres de Paris. Les bouffes parisiens donnent Nina avec Elvire Popesco. Allez, vite, vite dans mes bras. Je meurs, j'ai envie de dire plus de mots tous les deux, 13 ans. Non, Nina. Tu ne vas pas dire non, Nina, après toutes mes phrases, qu'est-ce qui te prend? Dis non, Nina, pas aujourd'hui. Voilà, tu es malade, tu te sens faible. Nina, Nina, je pense à ton mari. Tiens, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour rien, je pense à lui. Mais tu ne le connais pas. Il n'empêche que je pense à lui. Et moi alors? Quoi, toi? Il doit penser plus que toi, il me semble. Eh bien, justement. Oh, Adolphe est dans son lit avec une très mauvaise rhume. Je ne la sais pas. Pour faire de courte avant que j'arrive ici, il était superbe. Avec les couvertures jusque-là, et tu les remets sur la table de nuit. Je le sens comme aucune femme ne change son mari. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je ne peux pas rester à côté de lui et dire de prier à Baba d'abord, n'est pas à la mort. Je ne te parle pas de son état, moi j'ignorais qu'il était malade dans son lit. Ah oui. Seulement voilà, Nina, tu m'as déjà dit, ton mari, c'est un brave homme. Un brave homme, un très brave homme. Il va à son bureau du matin au soir, sérieux comme le pape. Aujourd'hui, il a fallu que je me mette en colère pour qu'elle soit dans son lit. Mais comme c'était semaine anglaise et comme son rhume était très fort, alors j'ai commandé. C'est toi qui commandes, naturellement. Mais qui veux-tu adorer? N'est pas un homme, c'est une serviette. Eh bien, cette serviette est ton mari. Mais non, une serviette, ce n'est pas du mari. Une serviette, c'est une serviette, toujours mou. Toujours imbécile. Et lui, c'est une serviette, toujours malade, toujours armée. Ce n'est pas son nez, c'est sa tête. Ce n'est pas la tête, c'est l'estomac. Oh, en tout cas, c'est un brave homme. Oh, oui, ça, oui. De santé délicate, oui. Ça, il faut le dire. Seulement, travailleur et honnête. Ah, enfin, c'est tout de même lui qui gagne ta vie, ton confort. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Et tu le trompes? Moi, je le trompe? Trésor, mais toi, tu es mon amant. Tu ne peux pas comparer. Enfin, quoi, il est cocu. Mais naturellement qu'il est cocu, puisque t'es mon mari. Voilà. Elle atteint souvent un chiffre record de représentation. Mais l'art de l'époque, celui qui touche tous les publics, toutes les générations et passionne les plus neuves, c'est le parent pauvre de 1900. Le cinématographe, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Les enfants qui s'embrassent debout contre les portes de la nuit, et les passants qui passent les désignent du doigt, mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier âme. La sensibilité de ce temps regarde les écrans comme des miroirs. Là, on explique moins la vie qu'on ne l'assène à coup d'images. Les interprètes les plus connus de ces œuvres brillent au firmament comme des étoiles et, comme elles, disparaissent parfois. Le cinéma, car seul M. Cocteau dit encore cinématographe, a ses roitelets, ses rois, ses grands rois et même un empereur quelque peu barbare. I would like to very much. I had hoped to do it this winter, but our film plans would seem to make it an impossibility. However, it's the sort of play that should not be done for a long run. It certainly couldn't be played by me for a long run. It's physically almost impossible. Vous le reconnaissez? Il se nomme... Et ça lui fait beaucoup de plaisir. Le sport, l'antique sport, se pratique plus couramment qu'à la belle époque. Mais surtout, on en parle beaucoup plus. Le Tour de France, en particulier, est devenu l'événement national numéro un. À l'instant où le départ est donné... Le pays entre dans un état voisin des transes. Il reste aveugle aux signes, aux appels. Cette époque motorisée ne vit pendant un mois que pour les bicyclettes. La radio est là, et voici l'arrivée. Bon, merci Tartarin, c'est bien ce que je prévoyais. J'aperçois d'ailleurs une sorte de remue-ménage qui s'effectue là-bas, à l'entrée du tunnel d'où doivent déboucher les coureurs. Je m'écarte un peu vers le milieu de la pelouse pour avoir un meilleur recul et pour voir. Et je vais vous laisser entendre l'acclamation qui va monter ici de ce vélodrome, dans ce vélodrome, à l'adresse des premiers rescapés de ce 35e Tour de France qui vont pénétrer sur cette piste. Attention, on a sifflé, les têtes se penchent, les gens se dressent dans la tribune, les photographes sont devant le tunnel, un coup de pistolet vient de retentir, et la cloche sonne, les voici. Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain, qui vois-je devant moi, une belle fille aux frais minois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur? Est-ce que vous êtes coureur? Autre changement, on s'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Certains même se passionnent pour elle. Il est vrai que le cinéma, le roman, le journal, le digest s'en sont emparés. Édipe n'a plus la voix de M. Mounet-Sully ni son image. Édipe n'est plus qu'un complexe. Le coin de France, où l'on en débat le plus communément, se trouve presque situé au centre géographique de Paris. Saint-Germain-des-Prés. Les habitants de Saint-Germain-des-Prés vivent la plupart du temps dans des caves. Bien qu'ils soient faits comme vous et moi, il n'y paraît pas toujours immédiatement. Je m'étais dit depuis le temps que j'en entends parler. Faudra que je fasse un tour, histoire de rigoler. Dans les lieux de plaisir, existence galiste, j'en reviens. Et maintenant, je peux vous dire que j'existe. Oh, ce que c'est bien! Le principe, avant tout, c'est de sortir de sa peau. Ce qui ne peut faire que du bien, surtout quand il fait chaud. Vous laissez votre peau au vestiaire, au contrôle, ça ce n'est rien. Le plus dur, c'est d'entrer dans la piaule. Oh, ce que c'est bien. Vous n'y pouvez rentrer que par la force, en poussant. Il y a de la place pour 25, vous êtes plus d'un cent. Ça sent le faisandé, le boudoir et la jongle, la menthe, le pipi de chien et le vernis à ongles. Oh, ce que c'est bien. L'orchestre retentit d'accords assourdissants. Tout le monde parle à la fois et personne ne s'entend. Vous pouvez à loisir traiter les gens de peau de vache. Il faudrait le hurler, vraiment, pour qu'ils le sachent. Oh, ce que c'est bien. Comme on ne peut pas parler, on voudrait tant soit peu danser. Mais on ne peut pas, parce qu'on est trop nombreux. On se mélange, on oublie tant l'affluence est grande que l'on est homme ou femme. On n'est plus que de la viande. Oh, ce que c'est bien. Pour le plaisir de revoir des gens si distingués, je saurai maintenant où passer mes soirées. Ce n'est pas tant que ça m'amuse, j'aime mieux vous le dire tout de suite. Seulement, ça fait plaisir de faire partie de l'élite. Oh, ce que c'est bien! Contrairement à ce que vous pourriez croire, tous les habitants de Saint-Germain ne sont pas existentialistes. L'existentialisme, qui est une philosophie... Voir l'être et le néant. L'existentialisme que professe M. Jean-Paul Sartre... Peut fort bien. Si bizarre que cela paraisse... Être rejeté par les jeunes filles à franges noires et adopté par des messieurs de mise classique. Et de tous âges. Voyez, c'est que ce sont des droits abstraits. Ils ne stipulent pas, par exemple, ce que l'homme a le droit de posséder. C'est-à-dire le minimum qu'il devrait posséder ou le maximum qu'il devrait posséder. il ne stipule pas le minimum d'usage qu'il doit faire de ce qu'il possède. Simplement, il déclare qu'il a le droit de posséder ce qu'il a. Par conséquent, s'il y a au départ une inégalité considérable, le droit de propriété sanctionne l'inégalité. Par exemple, le gros propriétaire a le droit de posséder son usine, ou ses immeubles, ou son paquet d'actions, et l'ouvrier a le droit de posséder son salaire, c'est-à-dire rien du tout. De sorte que toute la vie concrète se passe en dehors de ses droits. Pour la grosse majorité de la population, les droits de l'homme ne signifient absolument rien, c'est une mystification. Que signifie, par exemple, le droit d'exprimer librement sa pensée quand on est asservi aux besoins? Les besoins, la faim, la soif, l'anxiété du lendemain, la crainte du chômage, ben voilà qui limite joliment la liberté. En particulier la liberté de penser. Allez donc penser quand vous avez mal dedans ou quand vous avez faim. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, fillette, ce que tu te gourres. L'homme est-il en progrès? C'est très douteux. C'est la pluie qui tombe goutte à goutte, c'est la pluie qui tombe doucement, et sa mélodie quand je l'écoute fait que pour moi tout devient charmant. C'est la pluie qui fait briller les routes, c'est la pluie qui fait chanter les bois. Il ne découvre pas grand-chose de lui-même. Mais il est content de découvrir le monde où il vit. Et il est très fier de sentir que dans 50 ans, il aura découvert le monde où il ne vit pas. Penser qu'une toute petite explosion atomique détournera un fleuve, comblera une vallée, ne l'amuse plus. C'est tout juste si la pensée d'un Paris sans hiver, de Paris chauffé par une pile atomique, le retient encore. Se dire qu'à tout instant il peut changer de cœur n'est plus guère piquant. L'acquisition d'un cerveau neuf à la banque des cerveaux, après un choix motivé par des essais à l'encéphalographe, peut encore retenir son attention. Mais il est suprêmement excitant de se répéter qu'un jour, en l'an 2000 peut-être, il n'y aura plus de glace polaire, que les régions arctiques seront devenues le cœur du monde civilisé. Et comme il est doux de songer à ces avions fusées qui vous amèneront dans la Lune. C'est mon mari. Mais c'est moi. Il n'est pas mort, il dort. Ah non, bon, embarquez. Alors, dégagez par là, dégagez, allez, avancez. Eh ben, je l'ai échappé belle. Fusée numéro 2. Attention au départ. Attention au départ. Avancez vers les 6e, 7e, 8e fusées. Quai numéro 3. Quai numéro 3. Fusée numéro 2 et 3, attention au départ! Attention au départ! Messieurs, il y a presque 10 ans que nous vivons sur la Lune notre vie d'exil. Grâce aux laboratoires secrets construits avant même notre exode, par les travailleurs forcés, si la Lune n'est pas encore un paradis, nous savons du moins que demain, elle ne sera plus un enfer. Car le jour de notre indépendance a enfin sonné. La guerre a éclaté ce matin à l'aube sur la Terre entre jaunes et noirs. Messieurs, en cette heure solennelle, je proclame en votre nom à tous, à la face de l'univers, que nous cessons d'être une colonie et je salue l'avènement de la République sélénienne indépendante. Messieurs, le directeur de notre réseau d'information va nous projeter ce qu'il a déjà enregistré au moyen de notre poste secret de radar sur le déroulement des hostilités. La première bombe hélium a éclaté ce matin à 3h07 sur Berlin, capitale de l'Asie. Cette ville étant continuellement sous notre surveillance, nous avons enregistré l'explosion. La voici. Tout de même, ces gens de 1950 avaient une imagination bien pervertie. Mais non, ce qu'imaginait cet auteur, René Barjavel, était de l'ordre du possible. La logique, à l'époque, c'était d'imaginer ainsi l'an 2000. Voulez-vous un autre enregistrement? Oh oui, c'est trop drôle. Bon, alors là, c'est Henri Charles Richard et Jean-Wilfried Garrett qui... Ah non, j'aime mieux ne pas vous prévenir. Écoutez. Oh, bonjour, Fatni. Oh, que j'ai bien dormi. Ouais. Oh, mais il y a du monde. Aussi, je rêvais que j'entendais de la musique. Oh, dis-moi, il n'a pas l'air curieux, ce berger. Il garde ses moutons, là, comme si nous n'existions pas. En tout cas, ça prouve une chose. Le peuple de ce pays est tombé dans un état absolument primitif. Oh. Si tu savais ce que j'ai découvert cette nuit... Ah oui. Attends, je vais parler à ce berger. Je suis curieux de savoir jusqu'à quel point ces gens sont retombés. Berger, dis-moi, sais-tu comment s'appelait jadis cet endroit où paissent maintenant tes moutons? Eh bien, moi, je peux te le dire. Il s'appelait Place de la Concorde. Berger, comprends-tu ce que je te dis, oui ou non? Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Pourquoi dis-tu cela? Tonnerre de Khéops, cet homme est idiot, se moque de nous. D'abord, Fatni, comment sais-tu ce matin la langue de ce pays? J'ai passé la nuit tout à côté dans une sorte de palais en fer à cheval. Ah oui? Il y a là des quantités de vieux objets entassés et surtout il y a des choses de notre pays. Alors, c'est l'Égypte. Certainement pas. Je ne comprends pas pourquoi tout cela est ici, mais il y a même des momies. Et à côté des inscriptions en égyptien, il y en a d'autres en une nouvelle langue. J'ai supposé que c'était une traduction, j'ai essayé de comprendre. Et voilà, je sais grossièrement le langage de ce pays. Cette ville s'appelait Paris. Tiens, regarde, j'ai rapporté une plaque de métal, là, tu vois? Paris. En avant, mais il y a autre chose. Oui, il y a gaz de Paris. Ah. Mais ça, je n'ai pas pu comprendre ce que ça veut dire. Gaz de Paris. Ah, ça sonne bien. Tu ne trouves pas? C'est certainement très important, gaz de Paris. À mon avis, il y a ici une civilisation très évoluée, et surtout très religieuse. Cette perspective en croix orientée vers le couchant du soleil, oui. J'ai découvert qu'elle s'appelait Champs-Élysées. Ah. Et c'est ainsi qu'ils appelaient le pays où se trouvaient les morts. Et puis ce grand arc de pierre, ce temple. Oui, mais c'est peut-être simplement un carrefour ou la porte de la ville. Mais non, voyons. Mais ben, qu'en sais-tu? Il faut faire des recherches sérieuses et réunir les scribes. Après quoi, nous prendrons une décision. C'est également mon avis. Tu pourrais du moins demander au berger si toute la ville est en ruine, comme ici. Oui, c'est une idée. Berger, dis-moi. Est-ce que la ville est complètement en ruine? Fluctuat nec mergitur. Oui, eh bien, ils n'y sont pas tout à fait non plus. Mais c'est si difficile de fabriquer l'avenir. Justement, ça me tente beaucoup. Je vais commencer une œuvre d'anticipation sur l'an 3000. Le club d'essai de la radiodiffusion française vient de vous présenter Trois dates, trois époques. Tableau documentaire incomplet mais ressemblant par Pierre Perroux et Georges Godbert de 1850-1900-1950 avec un texte inédit de Christiane Favre et Claude Accursi. Allô 1950, 1850 vous parle. Interprété par André Var, Serge Nadeau, Serge Emmerich, Jean-Paul Moulineau, Roger Iglesis, Lucien Frégis, Claude Dasset, Armelle Fougère, Suzanne Marchelier, Léo Noël, avec Odette Laure, Pochardinette, et Louis Seigné, sociétaire de la Comédie Française, Balzac. Au piano d'accompagnement, Jean-Armand Petit. Avec des morceaux choisis d'émission, La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, interprété par Arletty, André Luguet et Marcel Errant, production André Fregnaud. 50 ans de chansons et de vie parisienne, de Madeleine Blomet, Francis Cover et Noël Boyer, Tête d'or de Paul Claudel, avec Michel Auclair et Martine Rouchot. La radio écrit l'histoire de Jacques Peuchemort et Henri-François Rey, Ne demandez pas la lune de René Barjavel, et Hypothèse de Henri-Charles Richard et Jean-Wilfried Garrett, interprété par André Var et Michel Bouquet. Avec une scène de Nina d'André Roussin, un extrait de Turangalila Symphonie d'Olivier Messiaen et les derniers enregistrements de René Derain et Juliette Gréco et les voix de Albert Dreyfus, Aristide Briand, Mounet Sully, Sarah Bernard, Paulin, Fraxon, Arletty, Édouard Branly, Anatole France, Jeanne Sully, Maurice Rostand, Ninon Valin, Chaliapine, Gandhi, Georges Bidault, Gary Davis, Jean Rostand, André Labarthe, Jean Rigaud, René Lamy, Elvire Popesco, Maurice Ténac, Yves Montand, Orson Welles, Jean Quittard, Bourville, Jean-Paul Sartre et Luis Mariano. Le texte de Pierre Perroux a été présenté par Martine Audrin et Bernard Véron, assistant de production Harold Portenoy, réalisation de Georges Godbert. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 19 novembre 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».